Description I wear, Pip. De vivre ouais, dans un plus grand appart, alors je vois mon avenir de façon positive. Je m'en fous et je m'attaque à faire le show. Je reste dans mon cœur. Car ici la chance échoue. Entends-tu mes prières? Faites le show. Toujours connecté sur Street Urban, toujours dans l'émission Session Live jusqu'à 20h en compagnie du groupe Futur Proche. Je vous rappelle que leur album qui s'intitule Elle Brûlée sera bientôt disponible dans les bacs. Et puis là on passe tout de suite en mode freestyle sur Street Urban. Et le premier à enchaîner derrière le micro c'est Monsieur Gwenzel. Et attention, il a un truc à vous dire, Monsieur Gwenzel, ça dit quoi maintenant? Futur Proche. Non, non, non, non, non, motivé par rien, par le seum. J'ai vite compris, tu gagnes rien, force de parler seul. J'ai fait du rap, moi j'étais à peine pubère. Et je suis solide, toujours à plat comme mes pulvères. Toujours en groupe, moi non, car dégoûté d'être seul. J'écris mes couplets, tu sais, coupé à des clés de sol. Animé par la foule, mais miné par la foule. Rien à foutre, je suis né sous la pluie et béni par la foudre. Mais je place des tubes, moi non, sans la thune de Dubaï. On m'a dit Gwenzel, t'as tout niqué sur l'album de Jomai. Alors je reste simple, dans mes propos l'ami. On m'a dit tu bois trop, ouais tu traînes trop la nuit. Et j'en place une, à tous ceux qui ont un parent de moins. Je rappe maintenant, bêtement, en parlant de moi. Et rien à foutre de vos délits, de vos pécanes, de vos motos. Moi mon délire c'est juste ma femme et mes potos, ouais. C'était Gwenzel à l'instant en mode freestyle dans Session Live. Ça continue, vous restez bien connectés avec Zoxy, alias le King de Boulogne. Écoutez, ça donne ça maintenant. Zoxy, oui c'est bien comme ça qu'on m'appelle. Mec si tu connais pas, il est temps qu'on te rappelle. Qui je suis, ben moi les gars, ben moi les gars. Je ramène des nouveaux flots qui font des dégâts. Trop illégo, god damn it. Quand ça j'y teste tes os les gars m'évite. Sauf si c'est les pros comme Futur Proche. Là il m'invite à partager le Mikey. Assiéger le maquis. Dans le rap j'évite la merde comme ma dernière paire de Nike. Et mère m'a dit change pas mon petit Jackie. J'ai dit ok, lave-moi 5 mois. Et puis je suis parti à la conquête du monde. Et même si j'ai créé un état qui mon feu une SSL, longue le chain maquis. J'ramène le mouvement du sourire aux lèvres. Pourtant je suis triste comme un Haïti. Parce qu'ils attendent tout ce que mon peuple crève. Pour nous montrer la réalité. Zoxy des Sages-Po sur Street Urban, toujours dans Session Live en mode freestyle. Ça s'enchaîne derrière le micro. On est reparti tout de suite en freestyle avec Marc US du groupe Futur Proche, c'est maintenant. Sois dur, c'est ce que mes gars me disent. Car quand la rue te blesse, négro, personne ne soigne tes cicatrices. Fut à l'envers, à la crise cross. Girl, je prends par derrière à la bec brosse. Je pue la rue et le canon scié. Ramener les lovières à S si le compte y est. Je rappelle quand il le faut, donc laissez passer le faux. Viens le chétan qu'il nous faut, j'ai plus l'arbitre, puis les fautes. C'est la crise, ça ne vend plus de disques. Ni sa mère la tille, on fait bélec au fisc. Ça rappe sale et c'est comme ça. Demande à Ram si j'ai la patate de Bob Sap. J'ai pas de punchline mais de la hot girl. Tu veux me tête négro, y'a pas de mal. Haute scène pour la signature. Omar c'est Marc US pour les petites raclures. D'être toujours connecté sur Street Urban, c'est Session Live jusqu'à 20h. Vous l'entendez derrière, ça continue de représenter Boulogne avec Salif. Et ça passe tout de suite en mode freestyle. La rue m'a dit t'es fou, quand tu fous, la foule s'affole. T'en as rien à foutre du mou, y'a que des tafioles. La rue m'a dit tu tises trop, arrête l'alcool. T'es pas là pour faire ta folle, mais pour péter le patron. La rue m'a dit t'es pas un vrai, parce que t'as fait du car. La rue m'a dit chut, les vrais bonhommes ne parlent pas. La rue m'a dit le peurin c'est un snesby de tarba. La rue m'a dit fous un barbal sous ta part. La rue m'a dit tous un frère, pour la basse, pour le beat. T'es un frère, quand tu rappes, moi je sais que t'es un vrai. La rue m'a dit dans votre truc, y'a rien que des mythes. La rue m'a dit pourquoi tu fais pantin derrière un micro. La rue m'a dit rien que tu tors, rien que tu dis cousin break. La rue m'a dit blanchis ton genre A, ouvre un grec. La rue m'a dit c'est quand c'est terminé qu'faut pioncer. La rue m'a dit quand t'es déterminé faut foncer. Yeah. C'est du bon ça. Bonjour Jay. Ça continue gars. Futur Proche SLIF. Ça donne ça va,